Chapitre 11. Résurgéré. Steven et Ginny n'avaient pas grand-chose à faire, à part rester pelotonnés l'un contre l'autre. Les moments où ils se séparaient de plus de 30 cm demeurèrent rares et courts. Ginny remarqua qu'elle pensait de moins en moins à Harry. Loin de l'effrayer, ce fait la rassurait. Elle avait enfin réussi à faire son deuil. La plus longue séparation entre Ginny et Steven dura une demi-heure quand la jeune femme alla prendre un bain. Lorsqu'elle retourna dans la salle à manger, les cheveux encore humides, elle eut la surprise de trouver la table mise pour deux. « Je ne suis pas vraiment bon en cuisine, mais il paraît que mon omelette n'est pas mal, » dit Steven. « Je suis sûre qu'elle doit être délicieuse, » assura Ginny. « Je dis ça à l'odeur. »« Assieds-toi, je vais te servir tout de suite. » La rouquine s'exécuta. L'omelette était agrémentée de champignons, sans doute cueillis dans la forêt, de quartiers de tomates et de lardons. Pour l'accompagner, Steven versa un verre de vin. Ginny supposa qu'il avait parlé de son projet de dîner à Ron et que ce dernier avait fourni la bouteille. Le dîner fut détendu. Ginny se surprit une fois de plus à ne penser qu'à l'instant présent. Elle insista pour aider Steven pour débarrasser la table. Ils avaient à peine déposé les assiettes qu'ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Ils n'avaient plus besoin de parler. Leurs mains parcouraient leur corps tandis que leurs bouches refusaient de se séparer. Aucun des deux n'aurait pu dire comment ils avaient réussi à rejoindre la chambre. Ginny oubliait ces derniers mois où elle était prisonnière de Drago Malfoy, où ce mange-mort la violait quand il le désirait. Elle ne ressentait que la chaleur du désir lui brûlait tendrement l'âme. Les deux amants ne s'endormirent que longtemps après avoir soupiré de plaisir. Ils refusaient d'autant plus de se séparer. Ils ne faisaient plus qu'un. Le matin finit par arriver. Ginny ouvrit les yeux pour tomber sur ceux de Steven qui lui souriait. Elle répondit à son sourire et l'embrassa pour toute salutation. « Bien dormi ? » finit-elle par demander. « Avec toi, je ne peux que bien dormir, » dit-il, ce qui lui valut un autre baiser. « Je vais aller prendre une douche. » « Alors je vais aller commencer à préparer le petit déjeuner. » À regret, ils se séparèrent. Steven versa les verres de jus de citrouille et fit chauffer l'eau pour le thé. Ginny s'était dépêchée de prendre sa douche pour que Steven puisse faire de même et qu'ils prennent leur petit déjeuner ensemble. Pour manger, ils avaient opté pour la table basse du salon, s'asseyant côte à côte. Les rires volèrent. Mais soudain, le silence se fit. Quelqu'un venait de frapper à la porte. Personne n'était censé connaître cet endroit. Steven se leva et alla se saisir de son pistolet. Ginny s'approcha de la porte, la baguette à la main. Les coups se répétèrent. Steven jeta un coup d'œil rapide par une fenêtre pour voir si le visiteur avait des amis cachés. Mais rien. Soit ils étaient invisibles, soit ce visiteur était seul. Steven vint se placer près de l'ouverture de la porte de manière à ne pas être vu lorsque Ginny l'ouvrirait, tout en pouvant agir vite, au cas où. De nouveaux coups. Steven fit signe à Ginny qu'elle pouvait parler. « Qui est là ?» demanda-t-elle à haute et intelligible voix. « Ginny !» Le cœur de Ginny manqua non pas un, mais une dizaine de battements au moins. Elle n'avait plus entendu cette voix depuis plus d'un an et demi. Malgré tout, elle ne pouvait se tromper. Son cœur se remit à battre, mais à une vitesse folle. Ce n'était pas possible, ce ne pouvait être qu'une ruse de l'ennemi. D'un regard, elle fit comprendre à Steven que quelque chose clochait. « Ginny, c'est moi. Ouvre, s'il te plaît, » reprit la voix. « Prouvez-le, » ordonna-t-elle. « Lors de l'enterrement de Dumbledore, je t'ai dit qu'il fallait que l'on se sépare, le temps que vous savez qui soit vaincu. Tu m'as dit vouloir venir avec moi, mais j'ai refusé. » Le tabou était toujours de vigueur. Ginny ne fut donc pas surprise de l'entendre ne pas prononcer son nom. Mais tout le monde, et surtout les Mangemorts, étaient au courant du tabou. Ce n'était donc pas une preuve en soi. Mais le récit des mots échangés le jour de l'enterrement, personne ne les avait entendus. Les seuls au courant devaient être Ron et Hermione. Et elle savait que son frère et sa belle-sœur préféreraient mourir que de divulguer la moindre information pouvant être utilisée contre un de leurs proches. « Ginny ?» murmura Steven. « Je ne sais pas, » souffla-t-elle. « Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être lui. »« Ouvrons, » dit Steven. « On ne peut pas rester ainsi durant toute la journée. »« D'accord. » Ginny avança la main vers la poignée de la porte. Elle prit une inspiration avant de l'actionner. Elle tira d'un coup la porte vers elle. Elle n'en croyait pas ses yeux, ses cheveux en bataille, ses lunettes rondes devant des yeux verts et, surtout, cette cicatrice en forme d'éclair sur le front. Était-ce vraiment lui ? Harry ? Dit-elle. Ginny, puis-je entrer ? Avec plaisir, lança Steven en surgissant dans l'embrasure, l'arme à la main. Steven tira Harry par le col et le plaqua contre le sol, collant le canon de son pistolet sur la base de son crâne. « Ginny, la porte » ordonna-t-il. La rouquine referma prestement la porte. « Vous devez être celui qui a éliminé plusieurs mange-morts avec des armes moldues, » dit Harry. « C'est moi qui pose les questions, » fit Steven. « C'était juste une constatation. » La ferme. « Ginny, combien de temps faut-il attendre avant que ce polynectar dont vous m'avez parlé arrête de faire effet, déjà ?»« 1 heure, » répondit Ginny. « Vous allez me garder 1 heure comme ça ?» questionna Harry. « Personnellement, je vais me mettre à l'aise, » conclut Steven. Steven releva Harry et le ligota à une chaise après lui avoir pris sa baguette. Le soldat garda son arme à la main et ne le quitta pas des yeux. Ginny et lui s'étaient assis sur le canapé, à 5 mètres de Harry. « Tu penses que c'est lui ?» chuchota Steven. « Je ne sais pas, » répondit Ginny. Ce qu'il a dit est vrai, et personne n'est au courant de ça à part Ron et Hermione. Mais ce n'est pas possible. Il est mort. Il a été tué par tu sais qui dans la forêt interdite qui borde Poudlard. As-tu vu son corps ? Non. Il l'a abandonné là et est venu vers le château nous l'annoncer. Au début, nous pensions qu'il mentait. Et on a continué à se battre en se disant qu'Harry allait apparaître bientôt. Mais il n'est jamais revenu. On en a conclu que celui dont on ne doit pas prononcer le nom disait vrai, et on a cessé le combat. Comme nous n'avons jamais retrouvé son corps, nous avons pensé que les acromantules, des araignées géantes, l'avaient emporté et dévoré. En fait, nous ne voulions pas savoir. C'est pourquoi je suis sûre que ce n'est pas lui. Et si c'était lui ? Je ne sais pas. Ils restèrent silencieux tout le reste de l'heure. Ginny ne lâchait pas Harry des yeux. Ce dernier lui souriait timidement, mais sans arrière-pensée. À mesure que le temps passait, Ginny était de plus en plus nerveuse. Steven la sentait fébrile. L'heure arriva à sa fin. Aucun changement ne se produisit. Ginny resta figée sur place. Comment était-ce possible ? Comment pouvait-il être là ? Pourquoi ? Souffla-t-elle. Ginny, fit Harry. Pourquoi as-tu disparu ? Hurla-t-elle les larmes aux yeux. On avait tous besoin de toi. J'avais besoin de toi. Sais-tu combien sont morts ? Toute ma famille a disparu. Ginny avait le visage écarlate et les yeux déjà rouges d'avoir pleuré. Sa respiration était saccadée par la fureur. « Je suis désolé, Ginny, » finit par dire Harry. « Je suis impardonnable pour tout ce que vous avez enduré. »« Où étais-tu ? » ?»« Je ne suis pas mort quand il m'a lancé son Avada Kedavra. En fait, j'étais moi-même un Horcrux. Même lui l'ignorait. Son Avada Kedavra ne m'a pas tué, mais a détruit le morceau d'âme qui était en moi. Je suis tombé inconscient, me retrouvant dans un monde éthéré où j'ai parlé avec Dumbledore. Il m'a expliqué certaines choses, mais j'en ai eu marre d'un coup. Je l'ai rejeté. Quand je me suis réveillé, j'étais seul, dans la forêt interdite. Les échos des combats me parvenaient, mais je ne voulais plus que l'on compte sur moi. Je voulais juste vivre en paix, loin de tout ça. Je suis parti. Je pensais pouvoir oublier et repartir de zéro, mais chaque soir, je pensais à tous mes amis que j'avais lâchement abandonnés. Et surtout, je pensais à toi. Je ne pouvais plus me cacher à moi-même ma honte. C'est pourquoi je suis revenu. » Ginny était restée silencieuse durant le récit de Harry. Le silence perdura encore quelques secondes. « Tu aurais dû rester là où tu étais, » lança-t-elle. « Nous n'avons plus besoin de toi. » Ginny ne lança pas un regard à Harry et sortit de la maison, courant presque. Steven ne la suivit pas. Il devinait qu'elle veuille rester seule un peu. Il planta son regard dans les yeux verts de Harry. Un silence pesant s'installa. Harry osa finalement parler à Steven. « Vous êtes d'origine moldue ? » demanda-t-il. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» dit Steven sans la moindre chaleur dans la voix. « Vos armes ? Je suis Moldu. Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette situation ? Ça, avant je voulais le savoir, maintenant ça n'a plus d'importance. Steven perçut un claquement de fouet à l'extérieur. Ce devait être Ron et Hermione qui rentraient de leur réunion avec la résistance. Il perçut les paroles étouffées que le couple échangeait avec Ginny. Il y eut une exclamation sonore mêlant leurs deux voix. « Quoi ?» La porte s'ouvrit à la volée. Ron et Hermione parurent totalement déboussolés. Harry souriait de revoir ses deux meilleurs amis. Hermione fit quelques pas, mais la main de son mari l'arrêta. Ron s'approcha de Harry, toujours assis et attaché. « Ainsi, tu es toujours vivant, » dit-il. « Oui, » répondit Harry. Il ne put rien dire de plus. Le poing de Ron vint lui percuter la mâchoire, le faisant tomber sur le côté. « Et ce n'est que maintenant que tu reviens !» hurla Ron, attirant immédiatement Ginny à l'intérieur. « Tu te rends compte qu'on a tous cru que tu étais mort. Est-ce que tu peux l'imaginer ?»« Quoi que tu crois, oui, Ron, je le sais. Car j'ai ressenti la même chose. Chaque jour, je me demandais si toi, ou Hermione, ou Ginny, ou n'importe qui d'autre n'était pas tombé. Car j'étais sûr que vous n'aviez pas cessé le combat, contrairement à moi. » Ron regardait toujours son ami avec colère, mais déjà ses poings se rouvrirent. Il sortit sa baguette et passa derrière le dossier de la chaise pour trancher les liens. Ron aida ensuite Harry à se relever. Ils restèrent face à face de longues secondes, puis Ron entoura son ami de ses bras pour le serrer contre lui. Harry mit quelques secondes de plus à lui rendre son étreinte. Quand le rouquin le lâcha, ce fut au tour d'Hermione de prendre le brin dans ses bras. Ginny resta à distance. Elle pouvait comprendre que Ron et Hermione soient heureux de revoir Harry. Elle aussi l'était. Mais cette résurrection la jetait dans un trouble sans fond. Elle se souvenait des sentiments qu'elle ressentait encore pour lui. Mais elle aimait aussi profondément Steven. Elle ne supporta pas ces deux présences autour d'elle dans la même pièce. Elle courut se réfugier dans sa chambre et verrouilla la porte d'un col à porta. Harry l'avait suivi du regard. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin d'imaginer ce qu'elle ressentait. Une fois de plus, il était dans le même cas. Ses yeux se portèrent sur Steven, mais le soldat ne le regardait pas. Lui aussi avait suivi la rousse des yeux. Finalement, l'Américain dut sentir le regard peser sur lui, car il tourna un regard sombre vers Harry. Puis, il se contenta d'aller ranger son arme qui occupait toujours sa main.